camisé, maintenant cavalé, bien coupé, bien paroté, bien coupé, beaucoup coupé boucan, maintenant les mamans tu me dis c'est ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, ma bonne, Enlevez la soutien. Petit caleçon sur le côté. Enlevez le caleçon. Affaire de déshabillement. Ah, du Manou. Je suis chaud. Je suis chaudien. Je suis chaudal. Je suis formidable. Osario Alco. Aïe aïe aïe. Allez, Tanguy des noms. J'ai dit Tanguy des noms. Enlevez Amila. Ah, t'as dit de non, t'as dit de non, le TGV, attends de déshabillement. Hey, ah, la fille, enlevez le soutien, enlevez la body, la fille à quel on se déshabille. Aïe, aïe, aïe, ah, la fille. Enlevez, habila, enlevez, pantalon, enlevez, je suis là. Balancer les chapeaux, bon, balancer les habits, bon, balancer les pantalons, bon, enlevez Jésus là, Le déshabillement, ah, les filles, les garçons, hey, Tu coupes ta coupe, attends, eh. Ane ve abila, hey. Ane ve abila, mo. Ane ve abila, hey. Ane ve abila. Venga, venga, bisu. Sabe toi boi, toi boi, toi boi, toi boi. Sega, sega, sega, sega, sega, sega, sega, sega, sega, sega, sega, sega. Je descends, pardon, levez-moi. Grenez, sonnez, j'embrisse mon ami. Regardez ses narines, on dirait fanfare de l'Italie. Allez, ses narines, respire abondamment le vin. Regardez un peu le volume de ses narines. Chier, regardez, chier, il respire, il a la taille, il a la forme, il a les pieds, il a l'oreille, il a le ventre, il a la bouche, il a le nez. Arrête. J'embrisse, pardon, fais une narine, s'il te plaît, mon ami. J'embrisse, pardon, fais une narine, s'il te plaît, mon ami. Wow, arrête de respirer, tous les vents qui nous restent. Hey, yeah, yeah, déchets toxiques nous a déjà couché. Il s'appelle J'embrisse. Les champions des narines, aïe, tous les vents qui nous restent. Dans tes narines, c'est gros dende. Dans tes narines, c'est gros dende. Dans tes narines, c'est gros dende. Attends, il est non. Hey! Aïe. On y va, eh, t'es quoi? Zario Bajoni, Papa Yannick, c'est pour toi. Algo ela, a mulher, algo ela, mas de dança que já wanna. baba tu kuti se ka moto ma de se ka na borabe. Wanga di fo jable, wanga di fo jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, jable, tout le monde est déshabillé, ma. Tout le monde est déshabillé, ma. Attends, il est là. Attends, il est là. TGV d'Abidjan, DJ Manu. DJ Manu. Oh. DJ Manu. DJ Manu. Oh, salut, Valiti. Intervention très rapide, quoi. DJ Manu, aïe, aïe, aïe. DJ Manu, le TGV, le toxique. Aïe, aïe, aïe. Tanguide, non. Tanguide, non. Allez, tanguide, non. Bonne déshabillé. Tu fais mal déshabillé. Bonne déshabillé. Tu fais mal déshabillé. Bonne déshabillé. Tu fais mal déshabillé. Tout le monde est déshabillé. A bobo taper les mains. A bobo taper les mains. A bobo taper les mains. Du blague taper les mains. Du blague taper les mains. Du blague taper les mains. DJ Fabrice des noms. Allez taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper. Didigi digba, didigi digba, didigi digba, didigi digba. Ça va la cabouse, mais c'est pas besoin qu'il y ait pas bouse, pas bouse. Allez pas bouse, bouse, pas bouse, pas bouse, pas bouse. Bouse, pas bouse, pas bouse, pas bouse. Bouse, pas bouse, pas bouse. Billy Chambo, ah Billy Chambo, Papa Yannick, Alco, Alco, Alco, DJ Manu le TGV depuis le New Black, avec des affaires, aïe aïe aïe, aïe, Papa Pascal Ouattara, l'apéro, Capitaine Pascal Ouattara, très très fort, Capitaine Pascal Ouattara, ah, les enfants du pays, c'est ma petite messieurs, hey, on y va, Kao Kao Nyo, Kao Kao Yo, Kao Kao Nyo, Kao Kao Nyo. Allez, Zoubangé, intelligence. Kao Kao, intelligence. Allez, Wou Wou, intelligence. Kao Kao, intelligence. Allez, Tagabori, intelligence. Kao Kao, intelligence. Allez, Zoubangé, intelligence. Kao Kao, intelligence. Allez, collega, te collega, te collega, te collega, te collega, te collega, te collega, te collega, proseleda, proseleda, proseleda, proseleda, proseleda, proseleda, proseleda, proseleda, proseleda. On y va, allez, levez la vie. J'ai dit, levez la vie. On y va, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, allez, levez vos dix là, allez, levez la vie, on déshabille, allez, levez la vie, allez, ça m'en a gagné, allez, coupez, coupez, aïe, t'as guidé non, Lidia Robez, Lidia Robez, Alco, Papa Yannick, aïe, aïe, aïe, Zario Bajoni, un joué, t'as guidé non, l'apéro. C'est une affaire d'embouteillage. Ok, Salo, on y va. Ah ouais, Jojo Cabana, Didier Bléou, Saya, Abou Nidol, Jagen Aboué. Oh ya maman, maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'embouteillage. Maman, maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'embouteillage. Charles Sogan, Jojo Cabana est arrivé. C'est l'embouteillage. Alléluia, bon amas chrétien. Bien c'est Bélaï, Mireille Lacoste de Genève. Marlène est la Congolaise. Samuel Eto'o, trois fois Ballon d'Or. Jojo Cabana est venu. Solo. Jojo Cabana est venu. Ligo Berson. Erickson le Zulu. DJ Popo. Papa Gayo. Jojo. Hakim Valoutine. DJ Koba. Libé le Saoudien. Jojo, tu as senti la colquette, toi la bouger. Tout le monde a senti la colquette, je ne vais bouger. Shalom la Gabonaise. Jojo Cabana est arrivé. Allez, Rouge, Huitre de Vignon, Barthélemy Inabo, Serge Kebano, faut bouger. Tout le monde a poussé le côté. DJ Sniper. Athanas, arrangeur de charme. Momo de Genève. La jet set malienne à Genève. Papa François Cognon. J'ai pas d'oreille. Danser. Georges Yves Bess. Mon bébé vraiment est sous, est sous dans la tête. Mon bébé vraiment est sous, oh, est sous dans sa mémoire. J'ai donné rendez-vous comme si elle m'attend au marché. J'ai donné rendez-vous sans poser, elle m'attend au marché. Je me suis renseigné pour vous dire cela. Maman Prisca Internet, c'est pas ça. Ah, Alzheimer, Alzheimer. J'ai oublié, c'est comment? Alzheimer, Alzheimer. Ah, la maladie qui fait tout oublier. Aïe, ouais, mais poison. J'ai donné rendez-vous comme si elle m'attend au marché. J'ai donné rendez-vous au procès. Elle m'attend au macata. J'ai donné rendez-vous partout. Elle m'attend à mon pot. Aïe, Kit du londonien. J'ai donné rendez-vous fouguette. Elle m'attend au poumon. Johnny, Niskita. Non, c'est pas bon. Cyclone communication. Ça va écouter la connerie là en bois. Kiss le pharaon. Qui t'a dit que c'est connerie? A fait d'Alzheimer. Qui t'a dit que c'est connerie? A fait d'Alzheimer. Hey, Freddy Assoba, c'est quoi ça l'encore? Mathieu V52. Affaire d'Alzheimer à Bijan. Hey, comment? Alzheimer. Fred Junior. Alzheimer. J'ai dit. J'ai dit. Pour master international. Quelle que soit la vie, quelle que soit la beauté de la femme, elle restera toujours l'esclave de l'homme. Didier Robaz, Tanguy du Nang, le TGB d'Abidjan, Didier Manu, Alpo. Hey! What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? What you way? Dans la nacodie, la narobi, c'est Nigel et nouveau créateur de la Il mon ami, si tu n'es pas prêt pour danser, pour te lever, pour danser, car c'est la lourde danse qui va faire mal à l'habitant. Moi, métal, métal, boxer, boxer, boxer, allez, moi, métal, métal, boxer, boxer, boxer, allez, moi, métal, métal, boxer, boxer, boxer, allez, gauche, droite, yalda, si mani, à tous les temps, Nina Boucher, sa mère a toqué, yo, à maman a toqué, sa mère a toqué, papa Foncio, maman Yolo Fouquette. Ça fait Ok, on y va. DJ Mano Mano. C'est fort. Je veux entrer. Allez, bouka bouka bouka bouka. Je veux entrer. Bouka bouka bouka bouka. C'est sûr que j'entre. Et je m'appelle Esqueliban en référence le petit frère d'Ila du Seigneur Jésus Christ. Serge Vélo, t'es très fort. Tout le monde pose sur le box. Allez, Mohamed Al. Mohamed Al. Mohamed Al. Mohamed Al. Gauche, gauche, gauche, gauche. Il a enlevé madame. Il a enlevé madame. DJ Roga Roga Yataba. Ok, on y va. DJ Mano Mano. C'est fort. Je veux entrer. Allez, bouka bouka bouka bouka. Je veux entrer. Bouka bouka bouka bouka bouka. C'est sûr que j'entre. Et je m'appelle Esqueliban en référence le petit frère d'Ila du Seigneur Jésus Christ. Serge Vélo, t'es très fort. Tout le monde pose sur le box. Allez, Mohamed Al. Enlevé madame. Il a enlevé madame. DJ Roga Roga Yataba. Abit, il a enlevé madame. Il a enlevé madame. DJ Roga Roga Yataba. T'as dit non. T'inquiète, non. T'inquiète, non. Il va.